Chapitre 2e, l'aveu. Orly s'en revenait seul, pensif, vers son palais. Son grand lévrier, qui l'avait attendu au bas de la tour, bondissait devant lui. Le prince, acculé à la réalité inexorable, souffrait une cruelle incertitude. « Dois-je dévoiler la vérité à Féry-Monde ? » pensait-il. « Ou respectant pieusement son rêve, le prolonger, ne fût-ce que d'une heure à peine ? » Hélas, il sera toujours temps. Et comme il entrait dans les jardins, il rencontra la princesse qui se promenait cueillant des roses où perlait la rosée. « Chère sœur, dit-il, comme votre doux visage, vos sombres yeux verts et vos fauves cheveux d'or vont bien à vos bracelets de perles, à la dentelle d'argent bruni qui sert de fraisier à votre beau col, à cette robe de damas couleur d'eau et lamée d'argent qui tombe sur vos petits pieds, emprisonnée de bas roses pâles et de pantoufles verts de mer. » Elle répondit, « Mon frère, que cet habit de velours noir vous sied, il rehausse la pâleur de votre teint, et votre sveltesse y paraît mieux. Avez-vous bien dormi, Féry-Monde ? Et vous, Orlys ? Avez-vous fait de beaux rêves ?» Leurs mains s'unirent. Le cœur du prince chanta dans sa poitrine, et oubliant la vie, reprit au rêve enivrant, il dit ses vers, qu'il improvisait à mesure. « Bois, le ciel immense et la pleine mer fondent leur azur à l'horizon clair. Les coteaux et la ville et leurs brumes dorées, la calme gloire des lointains, ma sœur et ta beauté comme transfigurée, tout resplendit dans la lumière du matin. Le bonheur aigu, la tristesse vague, respirez l'odeur salubre des vagues, l'air tiède où flotte l'âme éparse des lilas. Oubliez surtout l'heure morte, l'heure lente qui sonne elle-même son glas, sentir qu'un vent joyeux se lève et vous emporte. Je jouis, ma sœur, à plonger mes yeux dans les tiens où, tels que de lointains cieux, mon âme reconnaît son antique patrie. À te regarder seulement, je deviens aussi grand que la terre fleurie. Je suis ce matin bleu d'aurore et de printemps. » Le charmant madrigal, dit Féry-Monde, hélas, je n'y saurais répondre qu'en prose. Sachez seulement que je sens notre île plus belle, ses roses plus parfumées, et moi-même plus heureuse de vivre, ami, depuis que je vous vois. Hélas, pensa le prince, et prenant un air de fête, que ferons-nous aujourd'hui, ma douce maîtresse ? Ce qu'il vous plaira, cher seigneur, ai-je une autre volonté que la vôtre ? On m'a parlé d'un spectacle. Nos funambules doivent nous présenter un divertissement nouveau. Le verrons-nous ? Sans doute, après leur pas. Et la princesse reconnaissante ajouta : Vous ne songez qu'à mes plaisirs, Orlys. Que puis-je vous donner en échange ? Une de ces roses ? Choisissez la plus belle. Orlys se pencha et disant « La voici !» Il baisa la rose vivante, la rose en fleur des lèvres de Féry-Monde. « Ah, traître, flatteur » dit-elle, son attention soudainement attirée vers l'horizon. « Voyez donc, ce vol d'oiseaux blancs sur la mer !»« Oui, » dit le prince amèrement, « des oiseaux de proie !» Car, pâlissant, il reconnaissait les voiles blanches des corsaires. Le cœur lui manqua l'idée qu'il fallait parler. « Ah !» dit paisiblement Féry-Monde. Sans donc là ces horribles forbans qui violent, tuent, brûlent et dévastent, et dont la plus grande grâce est d'emmener en esclavage ceux qui ont échappé à la mort ? Oui, dit Orlys, mais comment devinez-vous ces choses ? Je les sais, dit-elle, et vous voyez qu'elles ne m'émeuvent guère. Là, Féry-Monde, est-ce déjà la fin de notre rêve ? Haute et simple, avec une mélancolie royale, elle répondit : Qui nous dit qu'il ne serait pas mort, brisé par son excès même ou éteint de langueur ? Bénissons les barbares, amis, car par eux, nous mourrons en pleine communion du bonheur. Mais, dit-il, je t'aime, Féry-Monde, ne le sais-tu pas ? Et n'est-il pas affreux de ne plus te voir ? Je t'aime, dit-elle. Orlys, tu le sais. Il me semble affreux de ne plus te voir, mais songe que cet amour sans issue nous eût fait trop cruellement souffrir en s'exaspérant plus tard. Ma sœur, j'admire ta sagesse, mais songe, il est encore temps. Nous pouvons fuir sur notre galère. Mon frère, sous quel ciel, en quelle mer d'azur retrouverons-nous l'île heureuse, et pour nous y renouer les fils rompus du rêve ? Du moins, s'écria-t-il, je te dispute très chèrement aux barbares, et nous mourrons dans le sang et les flammes, après avoir vendu notre vie, et propagé la mort. Si tu m'en crois, dit Féry-Monde, nous mourrons plus noblement, au milieu des fêtes et des chansons. Notre vie n'est pas à vendre, et il ne nous sied pas de propager la mort. La nôtre, soit. mais qu'elle soit libre et volontaire, choisie par nous, et ne nous vienne pas des barbares, enfoncés par leur glaive en un cœur de vaincu ou une gorge de suppliante. Aldébar, c'est des filtres où la mort vous prend comme un sommeil heureux, et qu'il ait ce visage la grâce du sourire. En attendant que cette journée, la dernière où mon frère, nous soit douce, plus douce qu'aucune de celles qui l'ont précédée. Oublions, car toi-même l'as enseigné, il n'est de vrai, de doux et de beau que le mensonge du songe. Orlys, en entendant ces mots, s'agenouilla devant sa sœur. « Oh, ma chère âme, je ne veux plus que t'aimer. » Et plongeant mes yeux dans tes yeux, oubliez la vie grossière et bestiale. Consens, sois la fiancée des noces qui ne se termineront point. Couronnons notre rêve, vêtons-nous d'habits blancs, et célébrons l'hymen de nos seules âmes. Que le mage nous unisse, nous nous étendrons sur le lit nuptial et nous y mourrons vierges. Qu'il en soit ainsi, dit Férimonde.